Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Bah non, ça va pas être demain. Il était temps hein, déjà. Bienvenue. Ouais, on le salue, Pascal, qui nous fait les jingles. Bonjour Prince Mabousou. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel. Merci à Jules qui m'a donné ton téléphone portable, ton GSM pour te contacter. Donc, on va en parler. Orléans, ouais. Zéro plastique, c'est quoi, Prince? Alors, Orléans Zéro Plastique, c'est une initiative citoyenne qui s'est lancée fin septembre 2020. Mmh. Et l'idée, c'était de ramasser des plastiques ou des produits plastiques à usage unique. Et ça a pris. On est devenu un fonds de dotation. Et aujourd'hui, je pense que quand on pense plastique, on pense à OZP. C'est parfait. Moi, j'ai une petite question parce que là, donc, on vient de voir. Elle adore ça. Hein, tout ouais. Ce qui est. C'est mon environnement. Ah, c'est son envie. Les chèvres, tous les arbres. Ouais, c'est bon. C'est toi. On parle pas de moi. Donc, j'ai vu que vous aviez organisé la 23 marche propre. Donc, il en reste deux à venir, je crois, ce week-end. Et en fait, ce type d'opération, elle s'organise combien de fois sur l'année? Alors, ça dépend les actions qu'on a menées la semaine dernière. Qu'on appelle du coup, enfin, qui sont faites au moment du changement de saison, où on est déployé sur tout le département et pas qu'en métropole, c'est important. C'est une fois tous les 3 mois. D'accord. Mais sinon, les clean walks, c'est disons au plus fort 2 fois par semaine, plutôt le week-end, du coup samedi dimanche, et quand la période est un peu plus calme, 1 fois toutes les 2 semaines. Et puis après, au niveau de chacun, on peut le faire tous les jours, tout le temps, à chaque occasion de balade. C'est important. Alors, tu dis, nous, au niveau de chacun, on est obligé, on fait plus fort, on peut faire plus fort, mais au niveau de chacun, on est aussi pas obligé de jeter des trucs par la fenêtre. Déjà, ça commence par la jeter. Déjà, si personne jette, il serait pas là ce matin. Bon, enfin, ça nous fait du boulot, nous aussi. Clean walk, je précise, clean walk, ça, en gros, c'est marche de nettoyage, on est d'accord. Hein. Tout à fait. C'est juste la consonance anglaise. Ah ouais, ok. C'est pour donner du style, tu vois, la marche de nettoyage, ça s'appelle clean walk. Ouais. C'est sympa. Il y avait le moonwalk, clean walk, je vous invite à découvrir cette danse sympathique. Le moonwalk de Michael Jackson. Ramassage. Oh my god, oh, il est décédé le pauvre. On a une pensée pour toute la famille Jackson. Donc là, les prochaines opérations à venir, c'est samedi 26, je crois. C'est ça. C'est où? C'est à Châteauneuf et le rendez-vous, attendez, je vois, prochain, hein, à Chessy, le samedi 26 à 10h30, c'est au 28 rue de la Cheville. Mmh. Et à Châteauneuf, c'est le samedi 26 aussi, mais à 11h, il y a un tout petit décalage et du coup, le rendez-vous, c'est place de la Halle, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est le temps de ramasser et de repartir. Ouais, c'est ça. C'est ça le but du jeu. Non, je pense qu'il y a plusieurs équipes parce que faut déployer les forces parce qu'il y a du travail. Mais pour tout ramasser, il faudrait des milliers de personnes. Non, mais tout le monde s'y colle. Ah, il faudrait que les 64 millions de Français le fassent. Ça serait bien. Déjà, ils arrêtent de jeter. Déjà, ça. Voilà, déjà, et puis après, ils ramassent. Mais bonne idée, si tout le monde, les 64 millions de personnes, ramassaient juste un truc. Eh ben, imagine-toi. Après, il y a plein de gens, tu sais, ils voient un truc traîner, ils disent, ouais, en gros, c'est pas moi qui l'ai jeté, je le ramasse pas. Mais ça, c'est une mauvaise façon de penser. Et moi, je suis le premier à ramasser les choses. Moi aussi, je suis comme toi. J'ai été élevé comme ça. Mais dès que je vois un truc par terre, qu'est-ce que ça peut, alors, surtout, ce qui m'énerve en ce moment, c'est les masques, hein. Qu'est-ce que ça peut m'agacer, ça, les masques? Oui. Oh, qu'est-ce que vous nous emmerdez, là? Non, mais sérieux, je suis mal poli, désolé, mais là, vous nous emmerdez à acheter vos masques. Le problème de la France, c'est qu'on est un pays encore plus latin et que les latins n'ont pas bonne presse et ça se voit par exemple quand on va en Suisse et ça a toujours existé. En Allemagne aussi. Hein. Dès que tu passes Allemagne, Suisse, Autriche, les Français ont carrément mauvaise réputation, ouais. C'est des dégueulasses quoi, ils sont réputés comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que parfois ici quand on est moi je vois dans les endroits, enfin même en ville, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de poubelles partout où je vais. En Autriche, moi, j'y ai voyagé il y a longtemps, il y a 35 ans. On était dans un petit village de quelques 1000 habitants, pas plus. Et il y avait des poubelles à chaque coin de rue. Vraiment, on n'avait pas besoin de chercher pour jeter. Mmh. Ici, c'est pas toujours le cas. Il y a un petit, voilà. Moi, pour avoir vécu. Moi, je voudrais qu'on mette plus de poubelles. Je sais pas ce que t'en penses, Prince. Je suis Totalement d'accord. Ouais. Pour avoir vécu en Allemagne pendant 2-3 ans, moi j'ai vu des choses. Tu jetais un truc par terre, tu prenais une amende par la Polizei. Hein, c'est ça, c'est amendable. Ouais, c'est amendable. C'était 100 balles, hein, 100 francs à l'époque. Hein. C'est maintenant à peu près la même chose à Londres. Donc, à Londres, voilà. Alors, Prince, cette opération Orléans zéro plastique, déjà super, bravo, hein, c'est bon pour la planète, comme dirait l'autre. Mais les choses improbables que vous ramassez, par exemple, parce que on ramasse pas de tout, des canettes, des masques, enfin, je sais pas, il y a tout et rien. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus improbable que vous avez pu ramasser ou de plus gigantesque, on va dire? Alors, dans les plus improbables, des pneus. Ah ouais, allez. Et même encore, ah, je dirais, c'est ça, devient, bordel. Ah, ça commence à devenir improbable maintenant. Oh merde. On a aussi on a eu une télé. J'en ai trouvé un, fissuré, mais une grande télé qu'on a trouvée. Bon, c'était même pas à la campagne, hein, c'était sur le bord du pont de l'Europe. Ah, carrément. Donc, c'est peut-être un mec qui va à la télé au bord de la Loire. Il s'est énervé et il a laissé sa télé. Et sinon, il y avait quelqu'un qui, tout simplement, il avait pris un carton, il avait son adresse dessus, il a mis ses déchets et encombrant, il les a déposés en ville. Dépôt sauvage. Alors, il y a à savoir qu'il y a des mairies maintenant qui arrivent à retrouver les dépôts sauvages. Ils fouillent dans les poubelles. Et je peux vous dire qu'il y a un maire, je sais plus dans quelle ville, qui a ramassé tous les déchets. Il a ramené ça chez l'habitant, chez lui dans sa cour. Hein, et c'était énorme. Et bravo, moi je dis, hein, parce que franchement, c'est des dégueulasses. De toute façon, il faut avoir des actions fortes pour que les gens comprennent ceux qui se comportent mal. En tout cas, c'est un côté éducatif ils sont passés à côté, quoi. En tout cas, une belle mission. J'espère qu'il va donner des idées à d'autres personnes et qu'il va motiver, parce que le but c'est aussi de motiver les gens à ne plus jeter. Ça c'est super important, parce que moins on jettera, mieux ça sera pour la planète. Parce que Commencez par limiter vos emballages dans l'achat. C'est dans la consommation du quotidien. Moi je vais dire un truc. Franchement, il faut être honnête. Quand on fait nos courses, moi je fais mes courses comme tout le monde. Quand tu vois, il y a certains supermarchés, je pourrais y aller quels. Quand tu demandes le ticket de caisse qui fait 50 cm, après ils te donnent le ticket cadeau avec les bons machins 50 cm, après ils te donnent un bon je sais pas quoi, t'as une pile de tickets, déjà rien que ça, hein, franchement, faudrait limiter ça, je dis moi. Hein. Maintenant, Faut surtout limiter sur internet, ou alors ils donnent plus de tickets, il y en a qui me demandent s'ils veulent le ticket de caisse, moi je dis non maintenant, tu vois. Bah moi je le prends parce que sinon tu te fais rouler mon pote si tu vérifies pas tes tickets, moi je te le dis. Ouais mais les petites courses, tu fais les petites courses, oh là là. Mais non, limiter les emballages, je pense surtout autour des légumes, etc. Donc ça passe par justement éviter peut-être le supermarché et aller plutôt chez votre maraîcher où vous allez emmener vos sachets. Bah, c'est une bonne idée. Tu sais comme je suis, moi, je peux en parler, je peux donner l'exemple. Il y a pas de souci. Non, en tout cas, moi, je lance le mot d'ordre ce matin. Ne jetez rien. Et même quand vous êtes en bagnole, là, des fois, tu bouffes un truc, tu jettes par la fenêtre. Ah, ça, c'est dégueulasse. Ah, ça, moi, quand j'en vois un qui jette un truc par la fenêtre, je fais des appels de phare et tout. Je suis comme une folle. Ah, moi, ça. Je suis terrible. Ça me rend dingue. Donc la prochaine opération. On rappelle la date, Prince. C'est le samedi 26. Alors, on en a deux. À 10h30, c'est chez SI. Ouais. Et à 11h, c'est le Châteauneuf-sur-Loire. C'est ouvert à tout le monde, ça, ou alors tout le monde peut venir. Demain, moi, je viens à Châteauneuf avec mon sac plastique, mon sac poubelle. Pas forcément sac poubelle. Si vous avez des gants de jardinage, c'est bon. Est-ce que vous mettez ça dans quoi, après, vous? Après, on essaie de trouver des poubelles. Et sinon, si on trouve pas de poubelle, on prend une photo de l'endroit où on a entreposé, on prévient la mairie. Ah ouais, parce que des fois, vous pouvez pas tout prendre si c'est gros. Imagine, t'arrives sur une décharge, on est mal. Hein. Et généralement, oui, on prévient la mairie, on prévient la métropole, comme ça. Ça, c'est bien. C'est récupéré dès le lundi matin. Et du coup, il y a une autre opération donc qu'on peut déjà noter dans les agendas. Ça sera justement à l'entrée de l'été, le 25-26 juin, c'est ça? C'est ça. Donc c'est cyclique, c'est tous les 3 mois. On peut en tout cas retrouver en plus votre information sur la page Facebook, donc Orléans Zéro Plastique, où vous vous tenez informé de ce qui se fait, de ce qui se passe et des rendez-vous que vous donnez. Ouais. Tout à fait. Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, on est partout. Et on essaie de donner le plus d'informations possible et aussi de planifier le plus loin possible pour permettre aux gens de s'organiser aussi et de venir. Ça touche plus qui dans la population qui viennent? Les jeunes, les moins jeunes, peut-être les anciens. Les anciens, je sais pas, la grand-mère a peut-être pas mis avec sa canne. Ah, vous serez surpris. C'est vrai. Il y en a quand même pas mal de personnes du grand âge, on va dire. Ouais. Mais sinon, on a beaucoup d'enfants. Les enfants, ils aiment bien. Qui viennent avec leurs parents. Mais sinon, oui, je dirais une grosse fourchette entre 20 et 45 ans. Ouais. Les plus gros. Depuis le début là de cette ces opérations, vous avez un chiffre à donner en tonnage ou en je sais pas, je dis une connerie hein moi, mais alors, à peu près combien de kilos vous avez ramassé de déchets? Alors si on arrive à les estimer, parce que c'est pas facile, vous pesez pas tout, mais à peu près, vous savez à peu près où vous en êtes, non? Pour faire peur aux auditeurs. Là, le dernier chiffre, je l'ai pas forcément de tête, ouais. Mais ça représente quoi à peu près? Un camion, deux camions, je sais pas des. Ça représente beaucoup de camions. Voilà, beaucoup de camions. C'est puissant. Hein. C'est un peu ça le problème. Bah, c'est dégueulasse. Mais... C'est dégueulasse. Moi, je vous le dis, vous êtes dégueulasse. Non, sérieux, je le dis. Non, mais faut le dire. Faut être honnête dans la vie. Hein, moi, je Monsieur Laurenceau vient d'arriver, lui, il jette rien. Déjà, bon, il a acheté ses cheveux, il n'en a plus. Ça, on n'y peut rien. Et voilà. Mais il jette rien en tout cas. Lui, il est écolo à fond. Hein, ça nous manquait une blague. Là. Ouais, des blagues. Ah, pourquoi con, je me disais, il manque un truc. Bon, il a perdu ses cheveux, il est comme moi, quoi. En tout cas, Prince, on te remercie d'avoir été notre invité ce matin. Prince Mamboussou, je vous rappelle la page Facebook Orléans Zéro Plastique. Allez liker et puis allez leur filer un coup de main. Surtout, c'est ouais, beaucoup plus liker, important de se déplacer. Allez voir les rendez-vous qu'on veut bien vous donner et allez retrouver. Ouais, faut que j'y aille, moi. En plus, vous allez rencontrer des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs que vous, etc. Ouais. Donc c'est plutôt, c'est un bon moyen. Il y en a, ils vont promener les chiens. L'un n'empêche pas l'autre. On peut aussi y aller. Pour ramasser les plastiques et tout à fait. Voilà. Et du coup il y a des gens qui ont des chiens qui viennent des fois, c'est gênant ou pas? Chacun vient comme il en veut. On peut dire avec sa grand-mère. Non, mais je veux dire, on a voilà, ça peut être une occasion de balade aussi, de rencontre, de balade, et du coup, plus avec un but quand même louable. Mais faut pas que se balader, faut aussi ramasser, hein. Ouais. Aussi. C'est pas le but d'aller non, draguer. Non, mais le sujet principal, c'est pas il est pour pécho la voisine, hein. C'est ça que je veux dire. Hein, entre deux champignons, là, tac, on sait jamais. C'est pas des champignons. Et puis en plus, non, mais moi ce que j'aime bien là-dedans. C'est des bouteilles en plastique, des canettes. Des bouchons. Ouais, moi ce que j'aime bien, Prince, dans cette opération, demain, le mec il veut vous filer un coup de main à la fille. Mm-hmm. Elle a pas de vélo. Elle trouve un vieux vélo. Et ben voilà, elle l'embarque chez elle et elle a un vélo. Il faut aller fouiller dans les fonds marins après. Oh, mais il y en a, il y en a, t'inquiète pas, des vélos, il y en a balancés. Hein. Oh là là, hein, surtout les vélos de location de la ville. Non, mais là c'est le plastique qu'il faut éviter. Ouais, plastique. Donc les vélos en plastique, ça va encore. Tu peux trouver la poignée, hein, peut-être un frein, un truc, mais bon. Un frein, voilà. En tout cas, voilà, allez, en tout cas, belle opération. Bravo. Ouais, super. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, Prince. Mabosso, on vous rappelle la page du Facebook, c'est super important. Et rendez-vous surtout demain, évidemment, 10h30 à Chessy, 11h à Châteauneuf. C'est où à Chessy? C'est où? Parce que Chessy, c'est là. C'est au 28 rue de la Cheville. À côté du Mollet. Du Mollet, peut-être, voilà. C'est possible. Et à Châteauneuf, c'est sur la place. Comme à ouf. Ouais, non, mais il rit à ta blague. Moi, les blagues, je les entends plus. J'en entends tellement que je ne réagis plus trop. Ouais, je passe le bonjour à Jules Wagner, voilà, qui est un ami que je connais depuis longue date. Donc, son papa aussi, Alex, que je salue au passage, qui m'a mis en contact avec toi, voilà. Et puis, il fait quoi, Jules? C'est le président de, non? C'est le cofondateur avec Loïc Sévillier. Voilà, et ben on les salue, les cofondateurs, en tout cas. En tout cas, c'est une belle initiative et super. On vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Ouais. En tout cas, tout ce que je pourrais conseiller aux auditeurs, c'est le meilleur plastique, c'est celui qu'on ne consomme pas. Voilà. Oh, bravo. On est d'accord. Je crois qu'il allait dire, je vous dis tout de suite, balancez vos plastiques demain pour qu'on ait plus de boulot. Non, mais c'est vrai, Chessy, s'il n'y a pas assez de plastique. Bon, après, on approche du site d'action, il y en a quand même un plastique qui est utile, on va pas c'est se le cacher. Voilà, celui-là. Oui, c'est on le seul qu'on accepte. C'est le seul qu'on accepte, mais on le met quand même dans la poubelle, hein, ça n'empêche pas. Ouais, on évite de le laisser traîner partout. Pas plein. Non, ça c'est bien, c'est que tu parles de ça, Stéphane Libier, parce que c'est vrai qu'on parle plus du sida en ce moment, c'est vrai, hein. Sortez couverts surtout, hein. C'est super important. On vous autorise un plastique. Voilà. C'est celui-là. Ouais. On vous autorise juste celui-là. Et le reste, vous démerdez, vous arrêtez de jeter les trucs. Hein. Non, mais sans déconner, arrêtez. Hein. Moi, je trouve ça dégueulasse. Voilà. En tout cas, j'ai dit plein de gros mots ce matin, mais tant pis. Tu t'es bien lâché, tu t'es fait plaisir, t'as fait plein de blagues, plein de gros mots. On est à jour, là. Moi, je suis vénère, moi. Donc, j'en ai ras-le-bol que les gens balancent des trucs par les fenêtres, là. Ah, ça me saoule. Si j'en vois un tout à l'heure en partant, là, je casse la voiture. Voilà, moi je suis comme carrément. Ça, moi, je suis un fou moi dans ma tête. Non mais ça serait bien par contre qu'il y ait des lois et qu'on mette enfin des amendes à ceux qui jettent n'importe où. Justement, on n'a pas la bourse, excusez-moi monsieur Laurenceau, hein. Je vous le dis justement, s'il y avait des lois, mais un truc genre vraiment punissable. Comme tu jettes un papier, 150 balles. Et ben là, comme je peux ailleurs, dire que... les gens sont pas capables d'être raisonnables, de comprendre l'intérêt qui est le leur, hein, ou minimum l'intérêt de leurs enfants, je suppose. Voilà. Donc, il faut les éduquer et l'éducation malheureusement ça passe par l'oseille, on leur met des amendes et en général après ils intègrent. Voilà, demain rendez-vous. Attends, je prends un appel vite fait au cas où quelqu'un veut nous parler. Je sais pas qui c'est. Moi, j'envoie du lourd en direct. J'espère qu'il y a quelque chose d'intéressant à nous dire. Allô, Kevin, je te prie. Ben voilà, allez, hop, c'est parti. Bon, c'est un appel pour monsieur Laurenceau, il était déçu de tomber sur toi. Ça se trouve, c'est... ça rappelle. Ça veut me dire Bondi, hein. Je rappelle, hop, table de mixage, on raccroche et on prend quelqu'un. Allô, qui va là, je te prie. Bon, c'est pas grave, allez. Merci, Prince Laurenceau, non. Hey, je suis à Boutis Saglé. Hey, il lui saoule, lui, hein. Je suis à Boutis Saglé le matin, moi. Merci, Prince Mabousou, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et puis, vive Orléans, zéro plastique. Courage. Voilà, oui, il faut du courage. Désolé d'avoir entamé l'émission de monsieur Laurenceau. 9h05 en direct. Bonne journée, on fait une photo et puis on y va. Salut, la famille. Ciao.